C'était une petite grotte, assez étroite, avec un petit puits de 10 mètres qu'on descendait tout de suite, pas sur corde, parce que ce moment-là, il n'y avait pas encore la technique de corde, donc on avait une échelle et lui, il assurait depuis le haut. C'était avec un prof de l'école, quand j'avais 14 ans, qui nous amenait un week-end. Et j'étais impressionné par le truc. Je voyais les autres qui bougeaient là, et puis la petite lumière, et lui, il avait donc cette lumière en acétylène. Moi, j'ai beaucoup aimé la lumière d'acétylène, donc tu te baladais vraiment avec du feu sur la tête. Je me rappelle aussi beaucoup le retour dans le petit minibus. J'ai rêvé tout le temps. Donc je m'endormais, j'étais fatigué, et puis hop, je rêvais, et puis je me réveillais, je tombais. C'était tout le temps vraiment en train de retravailler ce que j'avais expérimenté là-dedans. Je disais, qu'est-ce que moi j'aimerais faire ça? Qu'est-ce que j'aimerais refaire ça? Et puis moi, je suis retourné beaucoup. Après, dans cette petite grotte, je ne sais pas, pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé là-bas. Là, il va falloir. Il y a un petit passage à quatre pattes là. Tu vas peut-être t'emmerder avec ton micro. En fait, tu t'approches et puis on va voir. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé la première? La quatre pattes, il y a 2 mètres de long. Hein. Et puis comme ça, tu pourras peut-être récupérer le micro de... C'est le seul passage bas qu'on a. J'ai... Aïe! Voilà. Donc là, on va éteindre. Et on va faire le silence. On regarde et on se tait. Ça fait longtemps que tu fais de la spéléo, François? Oui, plus de 50 ans, quand même. Et je me demandais, ça t'est déjà arrivé de te perdre dans une galerie? On est où là? Et bien là, on est dans un des endroits les plus étroits de la grotte de la Borne au Cassot, où il y a un courant d'air qui est bien établi aujourd'hui. Donc dans l'endroit le plus étroit, c'est là qu'on l'aura le plus fort et on arrive à l'entendre. On fait un petit coup de silence. Et tu disais que si on n'entendait plus... Oui, quand on reviendra tout à l'heure, s'il n'y a plus de courant d'air ici, ça veut dire qu'on est dans la panade, parce que le passage plus derrière nous se serait rebouché par l'eau, le niveau d'eau aurait pu remonter, donc le courant d'air il est plus établi. Donc on a intérêt à ce que ça souffle encore tout à l'heure. Mais je vois pas de lumière, elle est où ? La lumière ? Non, c'est bizarre que je vois pas ta lumière. T'es sûr que t'es là-bas ? Alors, c'était comment en bas ? Qu'est-ce que tu as vu ? Il faut pas que tu remontes sur ce côté de la salle. La partie haute est trop glissante. Assure-toi de la stabilité des blocs. Il peut y en avoir qui bougent. Et la Pontoise, alors vous l'avez trouvée jolie ? Ouais, elle est bien. Hein, on y allait plusieurs fois là. Mais vous n'êtes pas allé faire celle du communal que je vous disais ? Non. Entre Villars-sur-Bienne et les Halles. C'est une résurgence. On peut appeler ça une résurgence qui communique avec la Pontoise et le Biégo d'Or. Parce que c'est un trou, vous rentrez à plat ventre sur, je sais pas, 50-60 mètres. C'est un tuyau qui fait à peu près 80 cm, quoi. Il faut vraiment être à plat ventre. Hein. De toute façon, il faut aller au bout pour vous retourner. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Si vous pouvez faire marche arrière, mais c'est risqué, parce que des fois, les abysses... Ah oui, c'est abysses, tellement étroit que tu ne peux pas te retourner. Mais et au bout, il y a un trou, il y a un lac qui est immense. Vous rentrez, puis devant vous, il y a un lac qui est immense. Donc, c'est là qu'il doit communiquer avec la ponteuse. Et ça coule de l'eau que quand il pleut. C'est trop plein de ce lac qui sort de par ce trou. Et pourquoi il y a autant de grottes dans le département hein? Ben parce que c'est des trous d'eau. Hein. C'est de l'eau qui est rongée. Hein. Comme là, en montant la coulée qu'on voit là-bas, la piste vieille, je suis sûr qu'il y a des grottes en dessous. Hein. Je suis sûr que si on regarde bien, on trouve des trous. Hein. La maison qui est là-bas, c'est une source qui sort des montagnes. Grotte des foules devant le puits. T'arrives, t'as un grand trou noir. La première chose que tu fais, tu jettes un caillou. Et c'est pas le caillou pour jeter dedans, non, c'est pour avoir la résonance. Donc déjà tu comptes, hein. Hop, tu jettes un caillou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, c'est profond. Bam! Et donc là, ça vraiment, ça tourne dans l'estomac, quoi. T'aimes pas, mais de l'autre côté, tu dis, putain, c'est un puits 150 mètres, 200 mètres, waouh, waouh, waouh. Donc là, t'es là pour ça, et en même temps, ça t'effraie, ça te fait peur. Quand tu vas très loin, ça va se dire vite sous terre. Oh, on est loin, on est loin. Ça veut dire, on est conscient, en cas de pépin, comment gérer, comment faire. Ça va durer très longtemps, ça va être une évacuation presque impossible. On avait une rivière souterraine qui partait dans un siphon. Et le courant d'air était très fort et... Donc moi je suis parti, donc il y a une grande rivière qui part là-dedans, et donc là l'eau qui est aspirée par ça, et puis tu as le sentiment de l'eau qui te tire dedans en même temps, et tu as le copain qui t'assure avec une corde, mais dès qu'il tire, il va tirer sous l'eau, donc il faut qu'il fasse vraiment très très doucement, 30 cm à la fois, et là tu as un bruit de... Et là, toi, t'es dans un espace qui fait qu'aspirer, quoi. C'est l'eau, c'est l'espace qui se réduit, tout est fait pour t'aspirer, toi. En route. Allez, ça fait un choc. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que tu ferais sans ton micro, toi ? In de Politea vertelt Plato het verhaal van de grot. Hij beschrijft hoe een aantal mensen verblijven in een onderaardse grotachtige woning met een naar het licht toegekeerde ingang over de volle breedte van de grot. De bewoners zijn vastgeketend aan handen, voeten en nek, waardoor ze enkel recht voor zich uit kunnen kijken. Achter hen brandt een fel vuur. Tussen de gevangenen en het vuur loopt een weg. Op de weg lopen mensen met allerlei voorwerpen. Langsheen het weggetje is er een laag muurtje gebouwd. De gevangenen hebben hun hele leven lang alleen de schaduwen die door het licht van het vuur op de overliggende wand geworden gezien. Als iemand wordt losgemaakt en gedwongen wordt om zich om te keren en naar het licht te kijken, zal hij in het begin niets kunnen zien. Hij zal daardoor bij de anderen belachelijk overkomen en zij zullen allerminst overtuigd zijn van hetgeen hij hen te vertellen heeft en zij zullen zich tegen hem verzetten. Bon, c'est clair, non? Très clair. Et ça dit quoi en résumé? Ben donc, tu te rappelles dans l'allégorie de la caverne, en fait, ce sont des prisonniers qui sont dans la caverne, qui sont enfermés là, qui n'ont jamais vu que des ombres, de gens qui bougent, mais n'ont jamais vu des vrais gens, parce que derrière eux, il y a une lumière, et donc il y a des gens qui passent, et ils vont ces ombres projeter sur une paroi. Et donc celui qui va sortir, quand il sort, il va être aveuglé par la lumière, comme il a été pendant toute sa vie ou très longtemps dans le noir. Après un bon moment, il va voir clair. Et quand il retourne, il va voir très mal, parce qu'il est habitué à la lumière, et tout d'un coup, tout est noir. Et donc il va arriver, et puis les autres, qui sont toujours attachés, qui voient toujours les ombres, ils vont dire, mais il est devenu fou ce gars. Donc moi je retourne et puis je dis que depuis la grotte qu'on peut réfléchir beaucoup mieux sur la vérité. Que le monde que nous on voit c'est souvent une projection. T'as un truc à dire ? T'as un truc à dire ? T'as pris ton carnet ? T'as pris ton carnet ? J'arrive. Les voix englouties. Un documentaire de Bastien Lambert et Florence Voisin, avec l'aide de Marion Cross. Merci à François Jacquier, Dominique Guilletan et Jean-Luc Gabet du Spéléoclub Saint-Claudien, ainsi que Dominique Grandjean, Guy Epailly, Wim Cuivers, Anne-Line Drocourt et Marie-Pierre René. Un documentaire réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura.